Chapitre 4 de l'amour. Si l'être tout-puissant qui a jeté l'homme sur cette terre a voulu qu'il conçût l'idée d'une existence céleste, il a permis que dans quelques instants de sa jeunesse, il pût aimer avec passion, il pût vivre dans un autre, il pût compléter son être en l'unissant à l'objet qui lui était cher. Pour quelque temps du moins, les bornes de la destinée de l'homme, l'analyse de la pensée, la méditation de la philosophie, se sont perdus dans le vague d'un sentiment délicieux. La vie qui pèse était entraînante, et le but, qui toujours paraît au-dessous des efforts, semblait les surpasser tous. L'on ne cesse point de mesurer ce qui se rapporte à soi. Mais les qualités, les charmes, les jouissances, les intérêts de ce qu'on aime, n'ont de terme que dans notre imagination. Ah, qu'il est heureux le jour où l'on expose sa vie pour l'unique ami dont notre âme a fait le choix. Le jour où quelque acte d'un dévouement absolu lui donne au moins une idée du sentiment qui oppressait le cœur par l'impossibilité de l'exprimer. Une femme dans ces temps affreux dont nous avons vécu contemporains, une femme condamnée à mort avec celui qu'elle aimait, laissant bien loin d'elle le secours du courage, marchait au supplice avec joie, jouissait d'avoir échappé au tourment de survivre, était fière de partager le sort de son amant, se présageant peut-être le terme où elle pouvait perdre l'amour qu'il avait pour elle, éprouvait un sentiment féroce et tendre qui lui faisait chérir l'abord comme une réunion éternelle. Gloire, ambition, fanatisme, votre enthousiasme a des intervalles, le sentiment seul enivre chaque instant. Rien ne lasse de s'aimer, rien ne fatigue dans cette inépuisable source d'idées et d'émotions heureuses. Et tant qu'on ne voit qu'on n'éprouve rien que par un autre, l'univers entier est lui sous des formes différentes. Le printemps, la nature, le ciel, ce sont les lieux qu'il a parcourus. Les plaisirs du monde, c'est ce qu'il a dit, ce qui lui a plu, les amusements qu'il a partagés, ses propres succès à soi-même, c'est la louange qu'il a entendue et l'impression que le suffrage de tous a pu produire sur le jugement d'un seul. Enfin, une idée unique est ce qui cause à l'homme le plus grand bonheur ou la folie du désespoir. Rien ne fatigue l'existence comme ses intérêts divers, dont la réunion a été considérée comme un bon système de félicité. En fait de malheur, on n'affaiblit pas ce qu'on divise. Après la raison qui dégage de toutes les passions, ce qu'il y a de moins malheureux encore, c'est de s'abandonner entièrement à une seule. Sans doute, ainsi l'on s'expose à recevoir la mort de ses propres affections. Mais le premier but qu'on doit se proposer, en s'occupant du sort des hommes, n'est pas la conservation de leur vie. Le sceau de leur nature immortelle est de n'estimer l'existence physique qu'avec la possession du bonheur moral. C'est par le secours de la réflexion, c'est en écartant de moi l'enthousiasme de la jeunesse, que je considérerai l'amour, ou pour mieux m'exprimer, le dévouement absolu de son être au sentiment, au bonheur, à la destinée d'un autre, comme la plus haute idée de félicité qui puisse exalter l'espérance de l'homme. Cette dépendance d'un seul objet affranchit si bien du reste de la terre que l'être sensible qui a besoin d'échapper à toutes les prétentions de l'amour-propre, à tous les soupçons de la calomnie, à tout ce qui flétrit enfin dans les relations qu'on entretient avec les hommes, l'être sensible trouve dans cette passion quelque chose de solitaire et de concentré qui inspire à l'âme l'élévation de la philosophie et l'abandon du sentiment. On échappe au monde par des intérêts plus vifs que tous ceux qu'il peut donner. On jouit du calme de la pensée et du mouvement du cœur, et dans la plus profonde solitude, la vie de l'âme est plus active que sur le trône des Césars. Enfin, à quelque époque de l'âge qu'on transporta un sentiment qui vous aurait dominé depuis votre jeunesse, il n'est pas un moment où d'avoir vécu pour un autre ne fut plus doux que d'avoir existé pour soi, où cette pensée ne dégagea tout à la fois des remords et des incertitudes. Quand on n'a pour but que son propre avantage, comment peut-on parvenir à se décider sur rien? Le désir échappe, pour ainsi dire, à l'examen qu'on en fait. L'examen amène souvent un résultat si contraire à notre attente que l'on se répand de tout ce qu'on a essayé, que l'on se lasse de son propre intérêt, comme de toute autre entreprise. Mais quand c'est au premier objet de ses affections que la vie est consacrée, tout est positif, tout est déterminé, tout est entraînant. Il le veut, il en a besoin, il en sera plus heureux. Un instant de sa journée pourra s'embellir au prix de tels efforts. C'est assez pour diriger le cours entier de la destinée. Plus de vagues, plus de découragement. C'est la seule jouissance de l'âme qui la remplisse en entier, s'agrandisse avec elle, et se proportionnant à nos facultés, nous assure l'exercice et la jouissance de toutes. Quel est l'esprit supérieur qui ne trouve pas dans un véritable sentiment le développement d'un plus grand nombre de pensées? Que dans aucun écrit, dans aucun ouvrage qu'il puisse ou composer ou lire. Le plus grand triomphe du génie, c'est de deviner la passion. Qu'est-ce donc qu'elle-même? Le succès de l'amour-propre, le dernier degré des jouissances de la personnalité, la gloire, que vaut-elle auprès d'être aimé? Qu'on se demande ce que l'on préférerait d'être Aménaïde ou Voltaire. Ah, tous ces écrivains, ces grands hommes, ces conquérants, s'efforcent d'obtenir une seule des émotions que l'amour jette comme par torrent dans la vie. Des années de peine et d'efforts leur valent un jour, une heure de cet élivrement qui dérobe l'existence. Et le sentiment fait éprouver, pendant toute sa durée, une suite d'impressions aussi vives et plus pures que le couronnement de Voltaire ou le triomphe d'Alexandre. C'est hors de soi que sont les seules jouissances indéfinies. Si l'on veut sentir le prix de la gloire, il faut voir ce qu'on aime, honoré par son éclat. Si l'on veut apprendre ce que vaut la fortune, il faut lui avoir donné la sienne. Enfin, si l'on veut bénir le don inconnu de la vie, il faut qu'il ait besoin de votre existence et que vous puissiez considérer en vous le soutien de son bonheur. Dans quelque situation qu'une profonde passion nous place, jamais je ne croirai qu'elle éloigne de la véritable route de la vertu. Tout est sacrifice, tout est oublié de soi dans le dévouement exalté de l'amour, et la personnalité seule avilie. Tout est bonté, tout est pitié dans l'être qui sait aimer, et l'inhumanité seule bannit toute moralité du cœur de l'homme. Mais s'il est dans l'univers deux êtres qu'un sentiment parfait réunit, et que le mariage allié l'un à l'autre, que tous les jours à genoux ils bénissent l'être suprême, qu'ils voient à leurs pieds l'univers et ses grandeurs, qu'ils s'étonnent, qu'ils s'inquiètent même d'un bonheur, qu'il a fallu tant de chances diverses pour assurer, d'un bonheur qui les place à une si grande distance du reste des hommes. Oui, qu'ils s'effraient d'un tel sort. Peut-être pour qu'il ne fût pas trop supérieur au nôtre, ont-ils déjà reçu tout le bonheur que nous espérons dans l'autre vie. Peut-être que pour eux, il n'est pas d'immortalité. J'ai vu, pendant mon séjour en Angleterre, un homme du plus rare mérite, uni depuis 25 ans, à une femme digne de lui. Un jour, en nous promenant ensemble, nous rencontrâmes ce qu'on appelle en anglais des gypsies, des bohémiens, errant souvent au milieu des bois, dans la situation la plus déplorable. Je les plaignais de réunir ainsi tous les maux physiques de la nature. « Eh bien, me dit alors M.L., si pour passer ma vie avec elle, il avait fallu me résigner à cet état, j'aurais mendié depuis 30 ans, et nous aurions encore été bien heureux. »« Ah oui !» s'écria sa femme. « Ainsi, même encore, nous aurions été les plus heureux des êtres. » Ces mots ne sont jamais sortis de mon cœur. Ah, qu'il est beau ce sentiment, qui dans l'âge avancé fait éprouver une passion, peut-être plus profonde encore que dans la jeunesse, une passion qui rassemble dans l'âme tout ce que le temps enlève aux sensations. Une passion qui fait de la vie un seul souvenir, et dérobant à sa fin tout ce qu'a d'horrible l'isolement et l'abandon, vous assure de recevoir la mort dans les mêmes bras qui soutinrent votre jeunesse et vous entraînèrent au lien brûlant de l'amour. Quoi ? C'est dans la réalité des choses humaines qu'il existe un tel bonheur, et toute la terre en est privée, et presque jamais l'on ne peut rassembler les circonstances qui le donnent. Cette réunion est possible, et l'obtenir pour soi ne l'est pas. Il est des cœurs qui s'entendent, et le hasard, et les distances, et la nature, et la société séparent sans retour ceux qui se seraient aimés pendant tout le cours de leur vie. Et les mêmes puissances attachent l'existence à ce qui n'est pas digne de vous. On ne vous entend pas, on cesse de vous entendre. Malgré le tableau que j'ai tracé, il est certain que l'amour est de toutes les passions la plus fatale au bonheur de l'homme. Si l'on savait mourir, on pourrait encore se risquer à l'espérance d'une si heureuse destinée. mais l'on abandonne son âme à des sentiments qui décolorent le reste de l'existence. On éprouve pendant quelques instants un bonheur sans aucun rapport avec l'état habituel de la vie, et l'on veut survivre à sa perte. L'instinct de la conservation l'emporte sur le mouvement du désespoir, et l'on existe sans qu'il puisse s'offrir dans l'avenir une chance de retrouver le passé, une raison même de ne pas cesser de souffrir dans la carrière des passions, dans celle surtout d'un sentiment qui, prenant sa source dans tout ce qui est vrai, ne peut être consolé par la réflexion même. Il n'y a que les hommes capables de la résolution de se tuer, qui puissent, avec quelque ombre de sagesse, tenter cette grande route de bonheur. Mais qui veut vivre et s'expose à rétrograder? Mais qui veut vivre et renonce, d'une manière quelconque, à l'empire de soi-même? Se voue comme un insensé au plus cruel des malheurs. La plupart des hommes, et même un grand nombre de femmes, n'ont aucune idée du sentiment tel que je viens de le peindre. Et Newton a plus de juges que la véritable passion de l'amour. Une sorte de ridicule s'est attachée à ce qu'on appelle des sentiments romanesques, et ces pauvres esprits qui mettent tant d'importance à tous les détails de leur amour-propre ou de leurs intérêts se sont établis comme d'une raison supérieure à ceux dont le caractère a transporté dans un autre l'égoïsme que la société considère assez dans l'homme qui s'occupe exclusivement de lui-même. Les têtes fortes regardent les travaux de la pensée, les services rendus au genre humain comme seuls dignes de l'estime des hommes. Il y a quelques génies qui ont le droit de se croire utiles à leurs semblables, mais combien peu d'êtres peuvent se flatter de quelque chose de plus glorieux que d'assurer à soi seul la félicité d'un autre. Des moralistes sévères craignent les égarements d'une telle passion. Hélas, de nos jours, heureuse la nation, heureux les individus qui dépendraient des hommes susceptibles d'être entraînés par la sensibilité. Mais en effet, tant de mouvements passagers ressemblent à l'amour, tant d'attraits d'un tout autre genre prennent, ou chez les femmes par vanité, ou chez les hommes dans leur jeunesse, l'apparence de ce sentiment, que ces ressemblances avilies ont presque effacé le souvenir de la vérité même. Enfin, il est des caractères aimants qui, profondément convaincus de tout ce qui s'oppose au bonheur de l'amour, des obstacles que rencontre et sa perfection, et surtout sa durée, effrayés des chagrins de leur propre cœur, des inconséquences de celui d'un autre, repoussent, par une raison courageuse et par une sensibilité craintive, tout ce qui peut entraîner à cette passion. C'est de toutes ces causes que naissent et les erreurs adoptées, même par les philosophes, sur la véritable importance des attachements du cœur et les douleurs sans bornes qu'on éprouve en s'y livrant. Il n'est pas vrai, malheureusement, qu'on ne soit jamais entraîné que par les qualités qui promettent une ressemblance certaine entre les caractères et les sentiments. L'attrait d'une figure séduisante, cette espèce d'avantage qui permet à l'imagination de supposer à tous les traits qui la captivent l'expression qu'elle souhaite, agit fortement sur un attachement qui ne peut se passer d'enthousiasme. La grâce des manières, de l'esprit, de la parole, la grâce enfin comme plus indéfinissable que tout autre charme, inspire ce sentiment qui, d'abord ne se rendant pas compte de lui-même, naît souvent de ce qu'il ne peut s'expliquer. Une telle origine ne peut garantir ni le bonheur ni la durée d'une liaison. Cependant, dès que l'amour existe, l'illusion est complète, et rien n'égale le désespoir que fait éprouver la certitude d'avoir aimé un objet indigne de soi. Ce funeste trait de lumière frappe la raison avant d'avoir détaché le cœur. Poursuivi par l'ancienne opinion à laquelle il faut renoncer, on aime encore en mésestimant. On se conduit comme si l'on espérait, en souffrant, comme s'il n'existait plus d'espérance. On s'élance vers l'image qu'on s'était créée. On s'adresse à ces mêmes traits qu'on avait regardés jadis, comme l'emblème de la vertu. Et l'on est repoussé par ce qui est bien plus cruel que la haine, par le défaut de toutes les émotions sensibles et profondes. On se demande si l'on est d'une autre nature, si l'on est insensé dans ses mouvements. On voudrait croire à sa propre folie, pour éviter de juger le cœur de ce qu'on aimait. Le passé même ne reste plus pour faire vivre de souvenirs. L'opinion qu'on est forcé de concevoir se rejette sur les temps où l'on était déçu. On se rappelle ce qui devait éclairer. Alors le malheur s'étend sur toutes les époques de la vie. Les regrets tiennent du remords, et la mélancolie dernier espoir des malheureux, ne peut plus adoucir ses repentirs, qui vous agitent, qui vous dévorent, et vous font craindre la solitude sans vous rendre capable de distraction. Si au contraire il existait dans la vie un heureux moment où l'on s'était aimé, si l'être qu'on avait choisi était sensible, était généreux, était semblable à ce qu'on croit être, et que le temps, l'inconstance de l'imagination, qui détache même le cœur, un autre objet, moins digne de sa tendresse, vous ait ravi cet amour dont dépendait toute votre existence, qu'il est dévorant le malheur qu'une telle destruction de la vie fait éprouver. Le premier instant où ces caractères, qui tant de fois avaient tracé les serments les plus sacrés de l'amour, crave entrait des reins que vous avez cessé d'être aimé. Alors que comparant ensemble les lettres de la même main, vos yeux peuvent à peine croire que l'époque elle seule en explique la différence, lorsque cette voix dont les accents vous suivaient dans la solitude retentissait à votre âme ébranlée, et semblait rendre présents encore les plus doux souvenirs. Lorsque cette voix vous parle sans émotion, sans être brisée, sans trahir un mouvement du cœur, ah, pendant longtemps encore la passion que l'on ressent rend impossible de croire qu'on ait cessé d'intéresser l'objet de sa tendresse. Il semble que l'on éprouve un sentiment qui doit se communiquer. Il semble qu'on n'est séparé que par une barrière qui ne vient point de sa volonté, qu'en lui parlant, en le voyant, il ressentira le passé, il retrouvera ce qu'il a éprouvé, que des cœurs qui se sont tout confiés ne peuvent cesser de s'entendre, et rien ne peut faire renaître l'entraînement dont une autre a le secret. Et vous savez qu'il est heureux loin de vous, qu'il est heureux souvent par l'objet qui vous rappelle le moins. Les traits de sympathie sont restés en vous seul, le rapport est anéanti. Il faut pour jamais renoncer à voir celui dont la présence renouvellerait vos souvenirs et dont les discours les rendraient plus amers. Il faut errer dans les lieux où il vous a aimé, dans ces lieux dont l'immobilité est là, pour attester le changement de tout le reste. Le désespoir est au fond du cœur, tandis que mille devoirs, que la fierté même commande de le cacher, on attire la pitié par aucun malheur apparent. Seul en secret, tout votre être a passé de la vie à la mort. Quelle ressource dans le monde peut-il exister entre une telle douleur? Le courage de se tuer, mais dans cette situation, le secours même de cet acte terrible est privé de la sorte de douceur qu'on peut y attacher. L'espoir d'intéresser après soi cette immortalité si nécessaire aux âmes sensibles est ravi pour jamais à celles qui n'espèrent plus de regrets. C'est la mourir en effet que n'affliger, ni punir, ni rattacher dans son souvenir l'objet qui vous a trahi, et le laisser à celle qu'il préfère, est une image de douleur qui se place au-dessus du tombeau, comme si cette idée devait vous y suivre. La jalousie, cette passion terrible dans sa nature, alors même qu'elle n'est pas excitée par l'amour, rend l'âme frénétique, quand toutes les affections du cœur sont réunies aux ressentiments les plus vifs de l'amour-propre. Tout n'est pas amour dans la jalousie comme dans le regret de n'être plus aimé. La jalousie inspire le besoin de la vengeance. Le regret ne fait naître que le désir de mourir. La jalousie est une situation plus pénible, parce qu'elle se compose de sensations opposées, parce qu'elle est mécontente d'elle-même. Elle se répand, elle se dévore, et la douleur n'est supportable que lorsqu'elle jette dans l'abattement. Les affections qui forcent à s'agiter dans le malheur accroissent la peine par chaque mouvement qu'on fait pour l'éviter. Les affections qui mêlent ensemble l'orgueil et la tendresse sont les plus cruelles de toutes. Ce que vous éprouvez de sensible affaiblit le ressort que vous trouveriez dans l'orgueil, et l'amertume qu'il inspire empoisonne la douceur que portent avec elle les peines du cœur alors même qu'elles tuent. À côté des malheurs causés par le sentiment, c'est peu que les circonstances extérieures qui peuvent troubler l'union des cœurs. Quand on est séparé que par des obstacles étrangers ou sentiments réciproques, on souffre, mais l'on peut y rêver et se plaindre. La douleur n'est point attachée à ce qu'il y a de plus intime dans la pensée. Elle peut se prendre au dehors de soi. Cependant, des âmes d'une vertu sublime ont trouvé dans elles-mêmes des combats insurmontables. Clémentine peut se rencontrer dans la réalité et mourir au lieu de triompher. C'est ainsi que dans les degrés différents, L'amour bouleverse le sort des cœurs sensibles qui l'éprouvent. Il est un dernier malheur dont la pensée n'ose approcher. C'est la perte sanglante de ce qu'on aime. C'est cette séparation terrible qui menace chaque jour tout ce qui respire, tout ce qui vit sous l'empire de la mort. Ah, cette douleur sans bornes est la moins redoutable de toutes. Comment survivre à l'objet dont on était aimé, à l'objet qu'on avait choisi pour l'appui de sa vie, à celui qui faisait éprouver l'amour tel qu'il anime un caractère tout entier, créé pour le ressentir? Quoi? L'on croirait possible d'exister dans un monde qu'il n'habitera plus, de supporter des jours qui ne le ramèneront jamais, de vivre de souvenirs dévorés par l'éternité, de croire entendre cette voix dont les derniers accents vous furent adressés, rappeler vers elle en vain l'être qui fut la moitié de sa vie, et lui reprocher les battements d'un cœur qu'une main chérie n'échauffera plus. Ce que j'ai dit s'applique presque également aux deux sexes. Il me reste à considérer ce qui nous regarde particulièrement. Ô femmes, vous les victimes du temple où l'on vous dit adorer, écoutez-moi. La nature et la société ont déshérité la moitié de l'espèce humaine. Force, courage, génie, indépendance, tout appartient aux hommes. Et s'ils environnent dommage les années de notre jeunesse, c'est pour se donner l'amusement de renverser un trône. C'est comme on permet aux enfants de commander, certains qu'ils ne peuvent forcer d'obéir. Il est vrai, l'amour qu'elles inspirent donne aux femmes un moment de pouvoir absolu. Mais c'est dans l'ensemble de la vie, dans le cours même d'un sentiment, que leur destinée déplorable reprend son inévitable empire. L'amour est la seule passion des femmes. L'ambition, l'amour de la gloire, même leur vont si mal, qu'avec raison un très petit nombre s'en occupe. Je l'ai dit en parlant de la vanité, pour une qui s'élève, mille s'abaissent au-dessous de leur sexe, en quittant la carrière. À peine la moitié de la vie peut-elle être intéressée par l'amour. Il reste encore 30 ans à parcourir quand l'existence est déjà finie. L'amour est l'histoire de la vie des femmes. C'est un épisode dans celle des hommes. Réputation, honneur, estime, tout dépend de la conduite qu'à cet égard les femmes ont tenue. Tandis que les lois de la moralité même, selon l'opinion d'un monde injuste, semblent suspendues dans les rapports des hommes avec les femmes. Ils peuvent passer pour bons et leur avoir causé la plus affreuse douleur, que la puissance humaine puisse produire dans une autre âme. Ils peuvent passer pour vrais et les avoir trompés. Enfin, ils peuvent avoir reçu d'une femme les services, les marques de dévouement, qui liraient ensemble deux amis, deux compagnons d'armes, qui déshonoreraient l'un des deux s'ils se montraient capables de les oublier. Ils peuvent les avoir reçus d'une femme et se dégager de tout, en attribuant tout à l'amour, comme si un sentiment, un don de plus, diminuait le prix des autres. Sans doute, il est des hommes dont le caractère est une honorable exception. Mais telle est l'opinion générale sous ce rapport, qu'il en est bien peu qui osassent, sans craindre le ridicule, annoncer dans les liaisons du cœur la délicatesse de principe qu'une femme se croirait obligée d'affecter si elle ne l'éprouvait pas. On dira que peu importe au sentiment l'idée du devoir, qu'il n'en a pas besoin tant qu'il existe, et qu'il n'existe plus dès qu'il en a besoin. Il n'est pas vrai du tout que dans la moralité du cœur humain, un lien ne confirme pas un penchant. Il n'est pas vrai qu'il n'existe pas plusieurs époques dans le cours d'un attachement, où la moralité ne resserre pas les nœuds qu'un écart de l'imagination pouvait relâcher. Les liens indissolubles s'opposent au libre attrait du cœur, mais un complet degré d'indépendance rend presque impossible une tendresse durable. Il faut des souvenirs pour ébranler le cœur. Il n'y a point de souvenirs profonds, si l'on ne croit pas au droit du passé sur l'avenir, si quelque idée de reconnaissance n'est pas la base immuable du goût qui se renouvelle. Il y a des intervalles dans tout ce qui appartient à l'imagination, et si la moralité ne les remplit pas, dans l'un de ces intervalles passagers, on se séparera pour toujours. Enfin, les femmes sont liées par les relations du cœur, et les hommes ne le sont pas. Cette idée même est encore un obstacle à la durée de l'attachement des hommes. L'imagination soit excitée par l'inquiétude, et les hommes sont sûrs des femmes, par des raisons même étrangères à l'opinion qu'ils ont de leur plus grande sensibilité. Ils en sont sûrs parce qu'ils les estiment. Ils en sont sûrs parce que le besoin qu'elles ont de l'appui de l'homme qu'elles aiment se compose de motifs indépendants de l'attrait même. Cette certitude, cette confiance, si douce à la faiblesse, est souvent importune à la force. La faiblesse se repose, la force s'enchaîne, et dans la réunion des contrastes dont l'homme veut former son bonheur, plus la nature l'a fait pour régner, plus il aime à trouver d'obstacles. Les femmes, au contraire, se défiant d'un empire sans fondement réel, cherchent un maître et se plaisent à s'abandonner à sa protection. C'est donc presque une conséquence de cet ordre fatal que les femmes détachent en se livrant et perdent par l'excès même de leur dévouement. Si la beauté leur assure des succès, la beauté n'ayant jamais une supériorité certaine, le charme de nouveaux traits peut briser les liens les plus doux du cœur. Les avantages d'un caractère élevé, d'un esprit remarquable, attirent par leur éclat, mais détachent à la longue tout ce qui leur serait inférieur. Et comme les femmes ont besoin d'admirer ce qu'elles aiment, les hommes se plaisent à exercer sur leur maîtresse l'ascendant des lumières, et souvent ils hésitent entre l'ennui de la médiocrité et l'importunité de la distinction. L'amour-propre, que la société, que l'opinion publique a réuni fortement à l'amour, se fait à peine sentir dans la situation des hommes vis-à-vis des femmes. Celle qui leur serait infidèle s'avilit en les offensant, et leur cœur est guéri par le mépris. La fierté vient encore aggraver dans une femme les malheurs de l'amour. C'est le sentiment qui fait la blessure, mais l'amour-propre y jette des poisons. Le don de soi, ce sacrifice si grand aux yeux d'une femme, doit se changer en remords, en souvenir de honte, quand elle n'est plus aimée, et lorsque la douleur, qui d'abord n'a qu'une idée, appelle enfin à son secours tous les genres de réflexion, les hommes condamnés à souffrir l'inconstance sont consolés par chaque pensée qui les attire vers un nouvel avenir. Les femmes sont replongées dans le désespoir par toutes les combinaisons qui multiplient l'étendue d'un tel malheur. Il peut exister des femmes dont le cœur ait perdu sa délicatesse. Elles sont aussi étrangères à l'amour qu'à la vertu. Mais il est encore, pour celles qui méritent seules d'être comptées parmi leur sexe, il est encore une inégalité profonde dans leur rapport avec les hommes. Les affections de leur cœur se renouvellent rarement. Égarées dans la vie, quand leur guide les a trahies, elles ne savent ni renoncer à un sentiment qui ne laisse après lui que l'abîme du néant, ni renaître à l'amour dont leur âme est épouvantée. Une sorte de trouble sans fin, sans but, sans repos, s'empare de leur existence. Les unes se dégradent, les autres sont plus près d'une dévotion exaltée que d'une vertu calme. Toutes au moins sont marquées du sceau fatal de la douleur. Et pendant ce temps, les hommes commandent les armées, dirigent les empires et se rappellent à peine le nom de celles dont ils ont fait la destinée. Un seul mouvement d'amitié laisse plus de traces dans leur cœur que la passion la plus ardente. Toute leur vie est étrangère à cette époque. Chaque instant y rattache le souvenir des femmes. L'imagination des hommes a tout conquis en étant aimé. Le cœur des femmes est inépuisable en regrets. Les hommes ont un but dans l'amour. La durée de ce sentiment est le seul bonheur des femmes. Les hommes, enfin, sont aimés parce qu'ils aiment. Les femmes doivent craindre à chaque mouvement qu'elles éprouvent, et l'amour qui les entraîne, et l'amour qui va détruire le prestige qui enchaînait sur leurs pas. Être malheureux, être sensible, vous vous exposez avec des cœurs sans défense à ces combats où les hommes se présentent entourés d'un triple airain. Restez dans la carrière de la vertu, restez sous sa noble garde. Là, il est des lois pour vous, là votre destinée a des appuis indestructibles. Mais si vous vous abandonnez au besoin d'être aimé, les hommes sont maîtres de l'opinion. Les hommes ont de l'empire sur eux-mêmes. Les hommes renverseront votre existence pour quelques instants de la leur. Ce n'est pas en renonçant au sort que la société leur a fixé que les femmes peuvent échapper au malheur. C'est la nature qui a marqué leur destinée, plus encore que les lois des hommes. Et pour cesser d'être leur maîtresse, faudrait-il devenir leurs rivaux et mériter leur haine parce qu'il faut sacrifier leur amour? Il reste des devoirs, il reste des enfants. Il reste au maire ce sentiment sublime, dont la jouissance est dans ce qu'il donne, et l'espoir dans ses bienfaits. Sans doute, celle qui a rencontré un homme, dont l'énergie n'a point effacé la sensibilité, un homme qui ne peut supporter la pensée du malheur d'un autre, et met l'honneur aussi dans la bonté, un homme fidèle au serment que l'opinion publique ne garantit pas, et qui a besoin de la constance pour jouir du vrai bonheur d'aimer. Celle qui serait l'unique amie d'un tel homme pourrait triompher au sein de la félicité, de tous les systèmes de la raison. Mais s'il en est un exemple qui puisse donner à la vertu même des instants de mélancolie, quelle femme, toutefois, quand l'époque des passions est passée, ne s'applaudit pas de s'être détournée de leur route? Qui pourrait comparer le calme qui suit le sacrifice et le regret des espérances trompées? À quel prix ne voudrait-on pas n'avoir jamais aimé, n'avoir jamais connu ce sentiment dévastateur, qui, semblable au vent brûlant d'Afrique, sèche dans la fleur, abat dans la force, courbe enfin vers la terre la tige qui devait écroître et dominer ?